C'est parti. Caca pourria qui pue de les fesses, ça m'énerve complètement le caca. Une vache qui fait caca dans un tonneau, c'est rigolo.